Hipponouille et Grépotame de Géodame. En lecture libre sur atramenta.net. Œuvre publiée sous licence. Image de Géodame. Synopsis d'Isobel Swann. Hipponouille et Grépotame. Mouma caresse son ouvrage, une broderie au point de croix. Petit à petit, grâce à son aiguille, sur la toile Aïda, les fils de couleurs se croisent et s'entrecroisent selon les nuances du modèle. Pourtant, Mouma reste toujours intriguée. Pourquoi ce vert cru pour ce personnage à la forme improbable ? Pourquoi pas un vert de gris qui lui aurait été plus saillant ? Le soir s'étire, le jour va aller se coucher, Mouma remet une bûche dans l'âtre, puis se rassied et paresse dans son fauteuil. Il fait si bon dans la tiédeur de sa maison. Elle repose sa broderie sur ses genoux et ferme les yeux un instant. C'est alors qu'elle se sent transportée dans une savane extraordinaire, toute brodée au point de croix. Un univers inventé un peu à la manière de ce peintre naïf qu'elle aime tant, le douanier Rousseau. Près d'elle, des chuchotements, des craquements dans les grandes herbes, et là, elle n'en croit pas ses yeux. Elle voit s'avancer deux personnages comme celui qu'elle est en train de broder, vert cru pour l'un, vert de gris pour l'autre, mais tous deux aux corps impossibles. Elle les entend se saluer. « Bonjour, Hipponouille !»« Bonjour, Grépotame !» « Où vas-tu ? Je vais à la mare. Et toi, Grépotame ? Moi aussi, je vais à la mare. On y va ensemble, Hipponouille ? D'accord, je voudrais me baigner, car il fait si chaud, mais je n'y arrive pas. Et moi, je voudrais bien boire, mais je n'y arrive pas non plus. J'ai pourtant si soif. » Tous deux cheminent de concert, sans plus échanger de paroles. Mouma entend une voix claire lui raconter une histoire. C'est la voix d'Isobel. Ils sont malheureux car ils n'arrivent pas à se baigner. Hipponouille a la tête d'hippopotame et pattes de grenouille. Grépotame a la tête de grenouille et pattes d'hippopotame. Hipponouille n'arrive pas à nager car sa tête est trop lourde et ses pattes trop petites. Grépotame n'arrive pas à faire entendre ses petits croassements par les autres animaux dans la mare pour obtenir une place pour son énorme corps. Voilà donc pourquoi ces personnages improbables de couleur vert cru et vert de gris ont des corps impossibles. Quel mauvais sort les a donc mélangés ? Mouma n'est pas une magicienne, elle sait seulement broder au point de croix. Elle ne sait comment modifier les dessins de son modèle de broderie. Isobel continue son histoire. C'est alors que survient le Korrigan, Logan, qui a la sagesse du roi des animaux. Tout de suite, il comprend le malheur de Grépotame et Hipponouille. Compatissant au chagrin des deux amis, il use de ses pouvoirs magiques et en quelques formules, il parvient à échanger leurs têtes et leurs corps. Ainsi, les deux nouveaux amis allèrent barboter dans la mare pour aller se rafraîchir, la grenouille sur le dos de l'hippopotame. Mouma sourit et murmure « Merci Isobel, tu es une fée. Merci au Korrigan Logan pour la fabuleuse histoire de Hipponouille et Grépotame. » La broderie glisse des genoux de Mouma endormie. Au sol, la fine aiguille émet un minuscule tintement, tandis que les échevettes, vert cru et vert de gris, s'entremêlent. Ici se termine Hipponouille et Grépotame de Géodame. Enregistré par Christiane Johan. Illustration musicale de Pascal Krieg. Du site musiclibrecc.fr. Magic Garden, tout droit réservé.